diguéssim, es coneix com una sort d'experiència social i audiovisual que es va generar a França i en concret a les localitats de Besançon i de Sochaux. Primer va ser Besançon i després de Sochaux. No em vull estendre explicant què és el grup Medvedkin perquè justament avui tenim una persona que ho explicarà molt bé, que ara presentarà la Marina. Només dic que des d'una d'aquelles sessions que sabíem que sí o sí havia d'anar al programa, justament per l'impuls que va suposar en una manera de fer cinema i de comprometre el cine amb la lluita obrera a França i arreu del món. I simplement dir que les pel·lícules que vam acabar escollint formen part del grup de Besançon i que ens mostren una mica una evolució en la producció dins del grup. Sí, presento en Sebastián ràpidament i li passo la paraula. Sebastián ha arribat avui des de París per participar en el programa i a París dona classes a la Universitat Sorbonne-Nouvelle París 3. Les seves activitats d'ensenyament i de recerca estan dedicades a les relacions entre cinema, història i societat, sobretot a través dels films militants dels anys 60 i els anys 70, als quals va dedicar també la seva tesi, que es titulava Les memòries creuades sobre unes pràctiques militants del maig del 68, i en particular el 2008 també va publicar un llibre que s'ha convertit en una referència que es titula Càmera en lluita, mes 68, par ailleurs, le cinéma est une arme, Càmeres en lluita, maig del 68, per altra banda, el cinema és una arma, que és el que ha donat nom a la sessió d'avui. Sebastián entén el castellà, però no parla. Llavors intentarem traduir, sabem que no som traductors professionals i farem el que podrem. Merci, Sebastián, benvenut. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être présent à cette projection consacrée au groupe Medvedkin. Moltes gràcies per l'invitació i per haver vingut a aquesta sessió que està dedicada al grup Medvedkin. Alors, le groupe Medvedkin, c'est un groupe de réalisation qui a été actif entre 1968 et 1974 et qui présente une vraie originalité parmi les collectifs militants du cinéma militant français. Aleshores, el grup Medvedkin va crear l'any 68 i va durar fins al 74 i és una experiència de rehabilitació vinculada al cinema militant. Sa particularité vient du fait que c'est un groupe qui mêle des cinéastes professionnels, des techniciens et des ouvriers. La seva particularitat és que és un grup que barrejava cineastes, tècnics i obrers. C'est un collectif qui va être actif non pas à Paris, mais en région, à Besançon, donc dans l'est de la France, qui est une région industrielle. És un col·lectiu que va estar actiu en regió, no a París, sinó a l'est de França, en una regió que era una regió fortament industrial, a Besançon. Une région aussi qui a une histoire ouvrière, une histoire de lutte sociale qui va également beaucoup influencer le travail de ces cinéastes ouvriers. És una regió que, a més a més, té una llarga tradició de lluita social i obrera, tradició que va influençar, que va influir, perdó, de manera molt particular al cinema. Pour comprendre l'histoire de ce groupe Medvedkin, il faut remonter quelques années avant 1968, la fin des années 50, puisque c'est là que va être créé dans un quartier de Besançon un centre culturel. Per entendre la història del grup Medvedkin, cal anar una mica més enrere del 68, a finals dels anys 50, perquè és allà on es va crear un centre cultural. Il faut savoir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, donc à la Libération, il y a tout un mouvement qui justement s'appuie sur l'idée que la culture peut être un moyen donc d'accès pour tout un chacun, un moyen de démocratisation et aussi d'émancipation. Després de la Segona Guerra Mundial, després de l'alliberament, es crea tot un moviment cultural que defensa i que creu que la cultura pot ser una via de democratització i d'empoderament per tota una capa de la societat. Au sein de ce centre culturel, on retrouve beaucoup d'ouvriers de la région qui vont découvrir ainsi le théâtre, le cinéma, la littérature par des pièces de théâtre, des concerts, des projections. I en el si d'aquest centre cultural trobem molts obrers que descobreixen el teatre, la literatura i les arts gràcies a aquest centre i als intercanvis que s'hi donen. au milieu des années 60, il y a un changement, c'est-à-dire que les ouvriers ne sont plus simplement spectateurs donc de ces manifestations, mais ils vont être aussi acteurs, c'est-à-dire qu'ils vont commencer eux-mêmes à faire des dessins, à écrire des poèmes, à commencer à réaliser des montages audiovisuels. I a mitjans dels anys 60 es dona un canvi que té com a conseqüència que els obrers no només són espectadors de totes aquestes, del teatre, del cinema, de la poesia, sinó que ells mateixos esdevenen creadors, comencen a escriure, comencen a participar activament en la vida cultural del centre de la regió. Et en 1965, ils vont écrire un texte dans lequel ils se reconnaissent comme des militants culturels. Donc la dimension politique est associée à la dimension culturelle. Et en 1965, ils écrivent un texte dans lequel ils se reconnaissent comme des militants culturels, de manière que la lutte politique soit directement reconnue comme une activité culturelle. En 1967, c'est le moment de la rencontre entre ces ouvriers et des cinéastes professionnels. A lieu en février-mars 1967, une grande grève dans une usine de Besançon qui s'appelle la Rodia Seta. Sí, en 1967, c'est quand commence cette alliance entre cinéastes et ouvriers, et tout commence en février. Entre février et mars de 1967, à la Rodia Seta à Besançon. Qui est une usine donc de fabrication de textiles, donc qui une fabrication de textiles. La particularité de cette grève, c'est une grève qui va durer plusieurs semaines. C'est une grève avec occupation, donc les ouvriers occupent l'usine et les revendications donc sont aussi elles-mêmes nouvelles. La vaga dure unes semanas, es reivindicativa, son reivindicaciones nuevas. Parmi ces revendications, il y a donc la question des salaires, mais aussi la question des conditions de travail, des cadences horaires, et également se pose la question quelle est la place des ouvriers dans la société. Les revendications sont des salaires, mais non seulement, mais aussi des conditions des ouvriers. Et les revendications sont des salaires, mais aussi des conditions des ouvriers dans la société. Pendant cette occupation, les ouvriers, notamment donc les membres de ce centre culturel, vont organiser un certain nombre de manifestations, donc des pièces de théâtre, des lectures de textes, des projections. Durant l'occupation, ils font une série d'activités, œuvres de théâtre, projections, etc. Et une lettre est envoyée à un cinéaste, Chris Marker, en donc lui indiquant qu'il se passe quelque chose d'intéressant à Besançon. La phrase exacte, si vous n'êtes pas à Cuba, si vous n'êtes pas au Vietnam, venez à Besançon, il s'y passe des choses intéressantes. En 1967, Chris Marker rep une carte de ce centre où il convide. Bueno, la phrase exacte est, si no estás a Cuba, si no estás al Vietnam, viens à Besançon, qu'il passe des choses intéressantes. Chris Marker a une histoire avec justement ce centre culturel, puisque lui-même a fait partie de ce mouvement, donc l'éducation populaire, après la Deuxième Guerre mondiale. Després de la Segona Guerra Mundial, Chris Marker havia format part del centre cultural aquest, no? Havia participat al centre cultural. Chris Marker va venir avec des amis techniciens pendant quelques jours. Il ne peut pas tourner parce qu'il est en train de préparer un autre film important qui est Loin du Vietnam, dont vous avez vu un extrait ici pendant le festival. Pas encore. Vous allez voir. Ara m'he explicat. Sí, exacte. Chris Marker no va poder acceptar perquè estava en mig d'un rodatge de Loin du Vietnam. Però hi porta constant. Mais il y a un réalisateur qui s'appelle Mario Marais qui va justement réaliser quelques plans que l'on va retrouver justement dans Loin du Vietnam, dans un des épisodes réalisés par Jean-Luc Godard. Un dels episodis de Loin du Vietnam, el que realitza Jean-Luc Godard, que de fet és el que veurem en una d'aquestes sessions, hi ha uns plans que va realitzar Mario Marais. Mario Marais. Que revèlent molts plans a Besançon. Et c'est d'ailleurs à Besançon qu'a lieu la première européenne du film Loin du Vietnam en octobre 1967. Il va ser justament à Besançon qu'il va haver l'estrena de Loin du Vietnam à l'octobre de 1967. Donc c'est ainsi que se rapprochent ces ouvriers et ces cinéastes par ces relations qui vont se tisser au long de l'année 67. I és d'aquesta manera que s'aproximen cineastes i obres i es teixeix una relació que es prolonga fins a, al llarg del 1967. En décembre 1967, il y a une reprise du mouvement de grève à la Rodiaceta. El desembre del 1967 hi ha una reprise, una represa de, del film a la Rodiaceta. De la vaga. Et à cette occasion, Chris Marker et Mario Marais, cette fois-ci, sont disponibles et ils viennent donc tourner, filmer cette grève. I en aquesta ocasió sí que Chris Marker i Mario Barret van a rodar el film. Et ce film s'appelle A bientôt j'espère, donc qui est un film signé par ces deux cinéastes. Aquest film es diu A bientôt j'espère, fins aviat espero. La particularité de ce film, c'est que c'est un film documentaire et qui porte justement la parole de ces ouvriers, de ces grévistes, sur leurs conditions de travail, leurs revendications. Sí, és un film documental que mostra les condicions de treball i la vaga que hi havia en aquell moment a Rosetta. Cette parole, on l'entend assez peu dans le cinéma français de l'époque et même à la télévision. Donc c'est un documentaire justement assez inédit de ce point de vue. La parole d'aquests obrers és una paraula que a l'època se sent molt poc, tant en el cinema francès com en la televisió, per tant és un document bastant excepcional. Ce film va être présenté aux ouvriers de la Rodiaceta et la projection va très mal se passer. Aquesta película es projectarà en presència d'aquests obrers de la Rodiaceta, però la recepció no va ser massa bona. Les ouvriers ne se reconnaissent pas sur ce qui est montré à l'écran, ils trouvent le regard des cinéastes trop romantique. Els obrers no reconeixen en allò que veuen a la pantalla, que veien el film que han rodat Marker i Barret, perquè el troben no se reconeixen perquè troben que és una visió massa romàntica. Cette discussion, donc, qui est assez tendue, va être enregistrée. C'est le premier donc, document que vous allez entendre. Aquesta discussió que torna després del visionat aquesta discussió es grava i és la primera de les pel·lícules que veurem avui. Ce qui va sortir de cette discussion, c'est au fond que pour rendre compte le plus justement possible des conditions de vie, de travail des ouvriers, il faut que les ouvriers s'emparent eux-mêmes de la caméra. Al final, el que surt d'aquesta discussió és que per fer visibles les condicions de treball i de vida dels obrers, cal que els obrers els mateixos puguin agafar la càmera i representar-se. Ce sont les événements de mai 68 qui vont donner l'occasion de passer à la réalisation avec un film qui s'appelle Classe de lutte. I són els esdeveniments de 1968 els que donen l'ocasió realment de passar a la realització de la pel·lícula per part dels obrers que serà Classe de lutte. Classe de lutte. Classe de lutte suit le parcours et le portrait d'une ouvrière qui devient militante syndicale entre le mois de mai 1968 et le début de l'année 69. I aquesta pel·lícula en realitat segueix la trajectòria d'una obrera que esdevé líder sindical entre juliol i maig. Mai 68 i l'any 69. Entre l'any 68 i el principi de l'any 69 i és la segona, si no m'equivoco, de les pel·lícules que veurem. Alors vous le verrez, on pourra en rediscuter ensuite. Ce film Classe de lutte fait ce portrait, mais c'est aussi, on pourrait dire, un film manifeste, c'est-à-dire qui vient affirmer la prise en main par les ouvriers de la caméra. En podem parlar després de la projecció, però en realitat Classe de lutte, aquesta pel·lícula que veureu, és una mena de film, és una mena de pel·lícula manifest d'aquesta presa en mà, no sé molt bé com dir-ho, sí, de la càmera de part dels obrers. Après ce film Classe de lutte, d'autres films vont être réalisés. Il s'agit plutôt de courts-métrages. Després de Classe de lutte, altres pel·lícules seran també realitzades, sobretot courts-métrages. Nous allons voir deux qui finalement appartiennent à une série Images de la Nouvelle Société. En veurem dos d'aquelles destres que pertanyen a la sèrie titulada Nouvelle Société, és a dir, Societat Nova, Nova Societat. Alors ce sont des films courts, une dizaine de minutes, qui portent sur des questions, donc là aussi de conditions de travail, des accidents du travail, des cadences extrêmement dures dans les usines. Són pel·lícules molt curtes, 12 minuts, que parlen sobre les condicions de treball, sí, Gràcies sobre les condicions de treball i els accidents de treball i l'existència dels obrers de la fàbrica. Ils sont faits très rapidement et il y a volonté de faire un cinéma de contre-information. Estan de manera molt ràpida i la seva voluntat és de fer un cinema de contrainformació. Le montage, il y a un travail très important sur le montage, vous allez le voir. C'est un montage coup de poing qui fait penser à, notamment au montage de certains films cubains, par exemple, que Chris Marker connaissait très bien et qu'il a bon pu montrer aux ouvriers de la Rodia Sota. Le montage de ces películas me fait penser surtout au montage de algunes de les séries cubanes de cette époque. Que Chris Marker coneixia molt bé i que segurament havia discutit amb els obrers. Ce sont des films critiques, donc Nouvelle Société, cela renvoie à un projet politique à la fin des années 60 en France qui est porté par le gouvernement justement pour moderniser la société française. Ah, són films crítics, justament Nouvelle Société, dels eslògans del govern francès per canviar aquesta societat i finalment el que demostren les pel·lícules és que no és així. L'expérience du groupe Médiatine de Besançon va s'arrêter à la fin de l'année 69, au début de l'année 70. Il y aura un deuxième groupe qui va être créé à Sochaux, dans une ville voisine, près de, donc, il y a une usine de Peugeot, donc c'est assez important. Sí, el grup que té lloc amb aquesta fàbrica de Besançon s'atura al 69 i es reprendrà un nou grup a Sochaux, a la fàbrica de Peugeot. C'est un groupe très intéressant parce qu'il va lui aussi expérimenter d'autres formes, notamment par exemple faire que les ouvriers écrivent des petites histoires qu'ils vont interpréter eux-mêmes. Sí, és una mica diferent perquè en aquest cas el que farà és que els obrers participin també de l'escriptura de petites històries que ells mateixos interpretaran. Au tout début de la projection, nous allons voir aussi un cinétrac, donc peut-être vous rappelez ce que sont les cinétracs. Sí, al principi de la projecció, el primer que veurem serà un cinétrac. Le cinétrac, au fond, c'est la forme cinématographique qui a été inventée en France pendant les événements de 1968. Sí, el cinétrac és la forma audiovisual que va ser inventada a França durant els esdeveniments del 68. C'est un film donc, qui dure près de 3 minutes. Dura uns 3 minuts. Qui utilise uniquement des images fixes, des photos ou des cartons. Utilitza bàsicament imatges fixes, fotos i títols. I la volonté és d'en fer un instrument d'acció, de mobilització, d'agitació. La voluntat és fer-ne un instrument d'agitació i de mobilització. L'attention est surtout portée au montage, donc qu'est-ce que ça signifie d'associer justement deux images, deux plans. L'attention est portée dans le montage. Et on pourrait dire que le cinétrac est l'héritier du cinéma documentaire soviétique des années 20-30, donc de toutes les théories des expérimentations du montage, Eisenstein, Ziegler-Vertov, Alexandre Plekhine. C'est l'héritier du cinéma soviétique d'Eisenstein, de Ziegler-Vertov, de Plekhine. Et également donc l'influence dans les années 60 du cinéma latino-américain, où là aussi les pratiques du montage nouvelles sont expérimentées. Il y a aussi l'influence du cinéma latino-américain des années 60. Il y a aussi avec le cinétrac la volonté de faire disparaître les frontières entre professionnels et amateurs. Es vol fer desaparèixer les frontières entre le professionnel et l'amateur dans le cinétrac. Puisque tout un chacun peut faire facilement un cinétrac et il y aura justement des ateliers créés donc à Paris mais aussi après 68 en province. I hi ha la idea aquesta de fer desaparèixer... Hi ha la idea de que tothom és capaç de fer un cinetrat i de fet hi haurà, s'organitzarà un taller a París durant el 68 i després a Provence a fora de París. I també arriba a l'estranger. I també a l'estranger. Donc on retrouvera cette influence importante de ce cinéma politique, y compris dans les années 70, qui sont une période justement où de nombreux collectifs sont actifs. Així que trobarem aquesta influència també en el cinema dels anys 70, que és un període molt actiu en el cinema americà. Avec le groupe Vézétine, c'est la question des ouvriers qui est centrale. Mais d'autres groupes vont se tourner vers les luttes du tiers-monde. La lutte des mouvements des femmes féministes. Homosexuels, le mouvement des régions. Certains vont tourner en 16 mm comme les groupes Vézétine, d'autres utiliser des formats amateurs comme Super 8. Alguns jugaran amb 16 mil·límetres, com és el cas del grup Medekin, però altres jugaran en formats més amateurs, com és el de 8 mil·límetres. Et d'autres encore vont aussi utiliser les premières caméras vidéo à la fin des années 60. I d'altres fins i tot utilitzaran també les primeres càmeres vídeo a principis dels 60. C'est une bonne projection, on va rediscuter tout à l'heure. Podrem, després de les projeccions, tindrem temps per discutir-la una mica amb el Sebastián i amb tots vosaltres.